Les premiers extraits choisis concernent plus particulièrement donc Mohammed lui-même, qui donne son titre à la sourate 47. Dans la sourate suivante, intitulée « La victoire », on lit « Mohammed est l'envoyé d'Allah. Ses compagnons sont terribles aux infidèles et tendres entre eux-mêmes. » Et plus loin, « J'en jure par l'étoile qui se couche, votre compatriote n'est point égaré, il n'a point été séduit, il ne parle pas de son propre mouvement. Ce qu'il dit est une révélation qui lui a été faite. L'ange Djibril l'a instruit et il révéla au serviteur d'Allah ce qu'il avait à lui révéler. Toi, Mohammed, tu n'es qu'un apôtre chargé de prêcher et nous t'avons envoyé vers les hommes avec la mission du prophète. Nous t'avons donné la révélation comme nous l'avons donnée à Noé et aux prophètes qui ont vécu après lui. Nous l'avons donnée à Abraham, à Ismaël, à Isaac et à Jacob, aux 12 tribus, Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon, et nous donnâmes les psaumes à David. Avant toi, nous avons envoyé d'autres prophètes, à qui nous avons donné des épouses et une lignée. Aucun d'eux n'a fait de miracle, si ce n'est par la volonté d'Allah. Chaque époque a eu son livre sacré. Les hommes s'étonnent-ils de ce que nous avons accordé la révélation à un homme pris parmi eux, en lui disant « Avertis les hommes et annonce à ceux qui croient qu'ils ont auprès d'Allah une récompense de leur loyauté antérieure. » Les infidèles disent « Cet homme est un sorcier avéré. » Lorsque les infidèles te voient, ils te prennent pour l'objet de leur raillerie. « Est-ce cet homme, disent-ils, qui parle de nos dieux avec mépris ?» Et cependant, eux ne croient point aux avertissements du miséricordieux. S'ils te traitent d'imposteur, les apôtres envoyés avant toi ont été traités d'eux-mêmes, bien qu'ils eussent opéré des miracles et apporté le livre des psaumes et le livre qui éclaire l'Évangile. Ô prophète, il t'est permis d'épouser les femmes que tu auras dotées, les captives qu'Allah fait tomber entre tes mains, les filles de tes oncles et de tes tantes, maternelles et paternelles, qui ont pris la fuite avec toi, et toute femme fidèle qui livrera son cœur au prophète, si le prophète veut l'épouser. C'est un privilège que nous t'accordons sur les autres croyants.